Audiomatique. Pity. amorcer la transmission 4-3-4 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique de l'artiste anglais Thom Yorke, bien sûr chanteur de la formation Radiohead. De son plus récent album solo intitulé Anima et paru en 2019, nous entendions la chanson The Axe. The Future Sound of London nous laisse maintenant pénétrer dans la prochaine séance musicale.

l'artiste péruvien Jaime Cuadra nous offrait sa vision de la pièce Regresa, composée à l'origine par Augusto Polo Campos et interprétée notamment en 1974 par la chanteuse Lucha Reyes, de qui la voix est d'ailleurs échantillonnée dans la version proposée par Jaime Cuadra. Cette réinterprétation contemporaine apparaît sur son album Cholo Soy, Peruvian Waltz Chill Out, à travers lequel il reprend différentes pièces tirées de l'héritage musical afro-péruvien. Avant la musique de Jaime Cuadra, nous entendions celle de l'orchestre du trompettiste américain Christian Scott à travers sa composition Phases, tirée de son album Ruler Rebel, paru en 2017. Et pour amorcer cette séquence, c'était la formation The Future Sound of London et sa pièce Embodied Cognition, paru sur l'album A Space of Partial Illumination, qui est la deuxième partie de la trilogie Appartement appartenant à la septième étape de la série Environments. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe anglais Radiohead. Made of all their eyes. wall to the forest, and we went down. A wind blew warm and eloquent. We were searching for the secrets of the universe, and we rounded up demons and forced them to tell us what it all meant. We tied them to trees and broke them down one by one. And on a scrap of paper, they wrote these words. And as we read them, the sun broke through the trees. Dread the passage of Jesus, for he will not return. Then we headed back to our world and left the forest behind. Our hearts singing with all the knowledge of love. But somewhere, somehow, we lost the message along the way. And when we got home, we bought ourselves a house. And we bought a car that we did not use. And we bought a cage and two singing birds. And at night we'd sit and listen to the canary's song. For we'd both run right out of words. The stars, they are all angled wrong. And the sun and the moon refuse to burn. But I remember a message in a demon's hand. Dread the passage of Jesus, for he does not return. Il s'agissait à Audiomatic de la formation australienne Nick Cave and the Dirty Tree. Nick Cave est davantage connu pour être le leader des Bad Seeds, mais il a sporadiquement collaboré avec The Dirty Tree, qui est composé de Jim White, Mick Turner et Warren Ellis, bien entendu proche collaborateur de Nick Cave, tant en duo qu'au sein des Bad Seeds. De Nick Cave and the Dirty Three, nous entendions la chanson « Time Jesum Transeuntum et non Riverentum » que l'on peut retrouver comme pièce cachée au début de la compilation « The X-Files Songs in the Key of X » sortie en 1996, mais aussi sur la triple compilation de Nick Cave and the Bad Seeds « B-Sides and Rarities Part 1 » lancée en 2005. Précédemment à Nick Cave and the Dirty Three, c'était le groupe anglais Radiohead qui nous interprétait la chanson Man of War, qui est sortie en téléchargement le 22 juin 2017. Radiohead l'a composée pendant les sessions de leur deuxième album The Bends et a continué à travailler sur celle-ci pendant les sessions d'enregistrement de leur troisième album OK Computer. En 2015, le groupe a soumis Man of War pour le film de James Bond, Spectre, mais elle a été rejetée car elle n'avait pas été composée expressément pour le film. Elle est restée inédite jusqu'en 2017, lorsqu'elle a été incluse sur la réédition marquant le 20e anniversaire de l'album OK Computer, intitulé OK Computer, OK Not OK, 1997 à 2017. Audiomatique se poursuit sur la collaboration entre la formation canadienne New Age Doom et le défunt artiste jamaïcain Lee Scratch Perry. Repent of your sins. Audiomatique, cette séquence d'une seule longue pièce était la résultante d'une collaboration entre la formation New Age Doom et Fur Rainfor Hug Perry, un artiste jamaïcain mieux connu sous le pseudonyme de Lee Scratch Perry et décédé en août 2021. La composition que nous avons écoutée de cette collaboration, soit Conquer Your Sin, se retrouve sur l'album Lee Scratch Perry's Guide to the Universe, réalisé quelques mois avant son décès. En conclusion de cette transmission 434 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de l'artiste allemand Alexander Wilke Steinhoff, ou si vous préférez, Alec Empire, qui est aussi leader du groupe Atari Teenage Riot, de son album solo Miss Black America, lancé en 1999. Nous écouterons la pièce The Robot Put a Voodoo Spell on Me. Mercredi prochain, dès 17h, les sonoristes se retrouveront devant la console pour réaliser la transmission 435 d'Audiomatique. D'ici là, visitez notre profil facebook.com/audiomatiquecfou comme porte d'entrée pour accéder à nos archives. Voici donc Alec Empire et la pièce The Robot Put a Voodoo Spell on Me. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Oh. Thank you.